La méditation de la bienveillance, ou métaméditation, est inspirée de la tradition bouddhiste. Elle permet d'atténuer les pensées négatives habituelles et d'adopter une vision et une attitude plus positives. Nous portons régulièrement de nombreux jugements de valeur très sévères sur autrui, mais également sur nous-mêmes. Nous éloignons un peu plus chaque fois les uns des autres. Pire, atténuant très largement notre confiance en soi. En méditant sur la bienveillance, et avec bienveillance, nous nous ouvrons à la paix et à la sérénité. En pratiquant régulièrement, nous nous entraînons à être plus patients, plus tolérants, plus généreux, plus indulgents mais également plus gentils. Commencez par vous installer confortablement, en étant allongé, peut-être avec une couverture, ou en restant tout simplement assis. Dans cette posture digne et confortable, fermez lentement les yeux tout en dirigeant votre attention sur votre respiration. En pleine conscience, respirez naturellement et laissez-vous doucement bercer par le rythme de votre souffle. Observez le parcours de l'air de votre nez à vos poumons. Sentez l'air plus frais qui pénètre dans vos narines et l'air plus tiède qui en ressort. Notez les ondulations que provoque naturellement votre souffle sur votre corps. C'est votre corps tout entier qui respire. Chacun de vos muscles, chacune de vos cellules. Vous permettez ainsi à votre esprit de demeurer avec votre corps, ici et maintenant. Je vous invite à élargir votre champ de conscience et à imaginer devant vous une personne pour laquelle vous éprouvez des sentiments profonds, quelqu'un avec qui vous aimez passer du temps et avec qui les échanges sont simples et agréables. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de votre famille, ou encore de votre animal de compagnie. Lorsque vous voyez cette personne, respirez tranquillement avec son image. Tout en demeurant ici, ouvrez-vous au plaisir que vous avez à être en sa compagnie par la pensée. Sentez la vague de chaleur de vos sentiments profonds parcourir votre corps. Profitez pleinement de cet instant de sérénité et de bonheur. Alors que vous vous centrez sur la personne que vous avez choisie, répétez-lui mentalement les phrases suivantes. Que tu sois heureux et en paix. Que tu sois en sécurité. Que tu sois fort et en bonne santé. Que tu connaisses le bien-être. Un investissez tous vos meilleurs sentiments dans ces souhaits. Regardez cette personne vous sourire tout en vous remerciant. Gardez cette vision à l'esprit et respirez avec cette image. Ouvrez un peu plus votre esprit maintenant. Imaginez-vous face à vous-même. Il peut s'agir d'une image de vous telle que vous êtes maintenant, d'une photo de vous que vous aimez particulièrement, ou si cela est plus simple, pensez à vous lorsque vous étiez enfant. Tout en respirant avec cette image de vous, adressez-vous ces mêmes messages avec bienveillance. Que je sois heureux et en paix. Que je sois en sécurité. Que je sois fort et en bonne santé. Que je connaisse le bien-être. Accueillez ces sentiments de sécurité, de bonheur, de santé et de paix dans tous les aspects de votre vie. Remerciez-vous et respirez. À présent, élargissez votre cercle de bienveillance. Pensez à une personne neutre, quelqu'un que vous connaissez de vue, avec qui vous avez peut-être échangé déjà quelques mots, quelqu'un qui ne vous évoque aucun sentiment particulier. Il peut s'agir d'un commerçant que vous croisez quelquefois, d'un voisin, d'une personne que vous croisez dans le bus ou le métro régulièrement, ou encore d'un collègue de travail avec lequel vous n'êtes pas en contact directement. Choisissez la première personne qui vous vient à l'esprit. Tandis que vous respirez paisiblement avec son image, répétez-lui ces phrases avec bienveillance. Que tu sois heureux et en paix. Que tu sois en sécurité. Que tu sois fort et en bonne santé. Que tu connaisses le bien-être. Envoyez ces pensées profondes de compassion avec les meilleures intentions. Observez cette personne vous sourire en vous remerciant. Gardez cette image à l'esprit et respirez avec elle. Je vous propose désormais une étape un peu plus difficile. Ouvrez encore un peu plus largement votre cercle de bienveillance. Accueillez une personne avec laquelle vous avez des difficultés émotionnelles ou relationnelles. Ne choisissez pas la personne la plus difficile, celle avec laquelle vous avez le plus de difficultés, mais plutôt quelqu'un avec lequel vous n'êtes pas confortable. Quelqu'un qui provoque chez vous quelques sentiments désagréables. Respirez profondément avec cette image et avec bienveillance, répétez les phrases suivantes. Que tu sois heureux et en paix. Que tu sois en sécurité. Que tu sois fort et en bonne santé. Que tu connaisses le bien-être. Même si vous ressentez des résistances à envoyer ce message de paix et de compassion, respirez avec l'image de cette personne. Et voyez le sourire en vous remerciant. Plus vous pratiquerez cette méditation, plus vous serez à l'aise avec cette étape et vous en éprouverez du plaisir et de la sérénité. Ouvrez-vous un peu plus encore désormais. Et pensez à toutes les personnes que vous connaissez et qui comptent pour vous. Votre famille, vos amis, vos collègues. Accordez-leur votre soutien et tout en respirant avec leur présence, répétez les phrases qui suivent. Que vous soyez heureux et en paix. Que vous soyez en sécurité. Que vous soyez fort. Et en bonne santé. Que vous connaissiez le bien-être. Inspirez et expirez avec ces pensées positives. Remplissez-vous de ces sentiments et du plaisir d'être entouré des gens que vous aimez. Voyez-les vous sourire pour vous remercier et respirez avec cette image. Ouvrez-vous désormais à tous les habitants de votre ville, de votre région, de votre pays. Pensez à toutes ces personnes avec bienveillance et compassion. Et tandis que vous respirez ici, maintenant, répétez tranquillement. Que vous soyez heureux et en paix. Que vous soyez en sécurité. Que vous soyez fort et en bonne santé. Que vous connaissiez le bien-être. Alors que vous demeurez ici, sentez ces ondes positives onduler en vous et respirez. Adressez-vous maintenant à tous les êtres humains de la planète, ceux qui sont partis, ceux qui vont naître, ceux qui vivent comme vous chaque jour. Allons un peu plus loin encore. Pensez à toutes les formes de vie qui résident sur la Terre, les animaux, les plantes. Englobez tous ces êtres dans une seule et même intention de paix et de bienveillance et diffusez cette énergie vers eux en répétant les phrases suivantes. Que vous soyez heureux et en paix. Que vous soyez en sécurité. Que vous soyez fort et en bonne santé. Que vous connaissiez le bien-être. Tout en envoyant ces vœux de bienveillance, imaginez une vague englober toute la planète et la recouvrir de paix, de sécurité, de bonheur et de bien-être. À chaque respiration, ces sentiments positifs se diffusent un peu plus. Tournez maintenant votre attention vers vous-même. Et constatez le sentiment de bien-être que vous éprouvez d'avoir souhaité du bien aux autres et à vous-même. Cela vous encouragera à cultiver ces sentiments de bienveillance. Chaque jour, des milliers de méditants envoient ces énergies positives aux quatre coins du monde. Vous venez de vous connecter à cela et d'y participer. Bravo. Lorsque la cloche retentira, prenez tout votre temps pour ouvrir les yeux et reprendre vos activités. Et surtout, n'oubliez pas de vous remercier pour ce précieux moment que vous vous êtes accordé.